Chant numéro 23. Tandis que je fouillais d'un regard curieux dans le feuillage vert, comme font d'habitude ceux qui perdent leur temps à chasser les oiseaux, celui qui m'était plus qu'un père dit « Mon fils, allons-nous-en d'ici, car le temps qui nous reste doit être dépensé plus raisonnablement. » Alors je ramenai mon regard et mes pas auprès des deux savants, qui discourait si bien que la marche pour moi n'était plus un effort. Soudain, on entendit chanter parmi des pleurs « Domine labia mea », de telle sorte que cela produisait peine et plaisir ensemble. « Qu'est-ce que l'on entend là-bas, ô mon doux père ?» lui demandai-je alors. Et lui, « Ce sont des ombres qui peut-être ont fini leur temps de pénitence. » Comme des pèlerins qui vont pensant ailleurs et rejoignent en route un groupe d'inconnus, se tournent pour les voir mais ne s'arrêtent pas, de même, allant plus vite et sur nos mêmes traces, dans un pieux silence, une foule d'esprits nous dépassait, jetant des regards étonnés. Ces esprits avaient tous des yeux creusés et sombres, et leur visage pâle était si décharné que la peau copiait la forme de leurs os. Je n'imagine pas que Érysichthon parvint jusqu'à l'extrême bord d'une maigreur pareille, même lorsqu'il avait le plus souffert de faim. Pour moi, je méditais, me disant en moi-même, « Ces gens avaient perdu Jérusalem, sans doute, quand Myriam se mit son enfant sous la dent. » Leurs yeux semblaient autant de bagues sans chaton. Ce qu'ils lisent « homo » sur la face des hommes n'aurait fait nul effort pour reconnaître M. Qui croirait que c'était le parfum d'une pomme ou le bruit de cette eau qui, produisant l'envie, les faisait arriver à ce point sans savoir? Je cherchais, étonné, qui les affamait tant, car la raison pour moi demeurait inconnue, autant de leur maigreur que de leur triste croûte. Quand voici que soudain, du profond de la tête, une ombre vint jeter un long regard sur moi, et dit ensuite « À quoi dois-je donc cette grâce ?» Je ne l'aurais pas su reconnaître au visage, mais au son de sa voix, j'ai retrouvé de suite tout ce que son aspect rendait méconnaissable. L'étincelle suffit pour allumer la flamme du souvenir pendant à ses lèvres flétries, car j'avais reconnu les traits de mon Phorès. Tu ne dois regarder ni cette gale sèche qui décolore ainsi ma peau, me disait-il, ni ce reste de chair qui traîne encore sur moi. Mais parle-moi de toi, dis-moi qui sont aussi ces deux ombres là-bas qui te font compagnie, et ne t'éloigne pas sans m'avoir tout conté. Ta face, que ta mort m'avait tant fait pleurer, me cause maintenant presque autant de chagrin, lui répondis-je alors à la voir si tordue. Dis, pour l'amour de Dieu, quitte les feuilles ainsi, dissipe ma surprise avant que je ne parle, car on s'explique mal si l'esprit est ailleurs. Le vouloir éternel, me dit-il, a placé dans l'arbre et dans les eaux qui restent en arrière une vertu qui fait que je m'étire ainsi. Toutes ces ombres-ci, qui chantent en pleurant pour avoir trop suivi les plaisirs de la bouche, par la faim et la soif deviennent enfin pures. L'appétit de manger et de boire s'excite au parfum dégagé par l'arbre et le fil d'eau qui se fraye en chemin d'en haut parmi les feuilles. Et c'est plus d'une fois que nous faisons le tour de l'endroit que tu vois, qui rafraîchit nos peines. Cependant, je dis peine et devrais dire joie, car le même désir nous conduit vers cet arbre qui portait autrefois le Christ à dire « Élie » lorsqu'il nous racheta joyeux avec son sang. Depuis ce jour, Phorès, où tu laissas le monde, lui répondis-je alors, pour un monde meilleur, il ne s'est pas encore écoulé 5 années. Mais puisque tu perdis le pouvoir de pécher avant que l'heure vînt de la bonne douleur qui refait l'union de notre âme avec Dieu, Comment es-tu monté jusqu'ici? Je pensais que tu serais encore à l'étage d'en bas, où le temps de l'erreur se paye avec le temps. C'est que je fus aidé, telle fut sa réponse, à déguster la douce absinthe de la peine par tous les pleurs versés par ma bonne Nella. Ses larmes, ses soupirs, ses dévotes prières m'ont tiré de la croûte où les âmes attendent, m'évitant le séjour dans les cercles suivants. Elle est d'autant plus chère au ciel et plus aimée, ma veuve que jadis j'aimais si tendrement, qu'aux bonnes actions elle a moins de compagne, puisque la Barbage de Sardaigne possède plus de femmes, sachant ce que c'est que pudeur, que l'autre Barbage qui la garde à présent. Doux frère, que veux-tu que je te dise encore? Je crois apercevoir déjà ce temps futur, et l'heure d'aujourd'hui n'en est pas bien lointaine, où du haut de la chaire, il faudra prohiber aux femmes sans pudeur qui remplissent Florence de s'en aller, montrant leur sein à tout venant. Dis-moi, quel barbare ou quelle sarrasine fallut-il menacer pour la faire habiller de quelque châtiment, spirituel ou non? Mais si ces femmes-là pouvaient imaginer ce que le ciel prépare à leur intention, on les verrait déjà hurler à pleine bouche. Car, si de l'avenir je vois bien les mystères, avant que de l'enfant que l'on berce aujourd'hui s'emplume le menton, elles seront damnées. Mon frère, maintenant ne me cache plus rien. Vois, je ne suis pas seul, puisque tous ces esprits regardent le soleil que ton corps intercepte. Je répondis alors: Si tu gardes mémoire de tout ce que jadis nous fûmes l'un pour l'autre, le souvenir lui-même ici nous sera dur. Celui qui me précède est venu me tirer de la vie où j'étais, pas plus loin qu'avant-hier, lui montrant le soleil, lorsque vous vîtes pleine la sœur de celui-ci. C'est lui qui m'a conduit dans la profonde nuit des véritables morts, et j'ai partout suivi ses pas avec ma chair. Ensuite, ses conseils m'ont mené vers le haut, où j'ai fait la montée et le tour de ce mont qui vous redresse, vous que le monde a tordu. Il m'a dit qu'il voulait me tenir compagnie jusqu'à ce que j'arrive au reste Béatrice. Ensuite, il me faudra me séparer de lui. C'est de lui que je sais tout cela. C'est Virgile, dis-je en montrant du doigt. Quant à l'autre, c'est l'ombre pour qui votre royaume, en le laissant partir, avait tremblé si fort l'instant d'auparavant.